boire, hein. C'est à boire. C'est à boire, à boire pour tous les potos dans la salle. À boire pour les frères qui sortent de tôle, les mains plus sales. À boire sort pour mescal, pour ceux qui se sentent seuls. À boire pour mes grandes gueules, que la pillable en sorcelle. Ok, à boire. Eh vas-y, fais péter ton bar. Regarde à bâbord et serre des verres à tous ces barbares et tardards. Avant qu'ils foutent la merde sur le boulevard. Mettront des grosses têtes, mais rien à voir à Philippe Bouvard. À mort, tous ces fachos, pas que ce cachot. À mort, les gardiens de cachot. Lâche les chiens sur ces lâches. À mort, tous ces politicards de droite et de gauche. Pour ça, coupe à Tchéka, pour Jaco, comme un hache de fauche. Allez, avance, avance. C'est la mort, pour toi, ça te balance. Tu vis presque en palace, car la délation fait bien en France. À mort, eh, pour toi, ça le pète, t'as pas de rançon. T'as donné des noms, c'est bien ta race, mais encore ton sang. Ton morceau, c'est bien là, sur les poucaves, là. C'est bien la mort, tout ça, c'est bien, il mérite. Mais c'est quoi le truc à boire, à mort, à boire, c'est quoi le morceau? Ok. Hey yo, à boire, garçon, on fait cette putain de chanson. Va boire si tu t'apprêtes à péter, virulis en son. Ok, à boire, tous mes pochons, mes clochons, gars. On fait tourner les bouchons, gars, pas celui qui construit. Ok, à boire, vas-y mon frère, ta voix ça cul sec. Fais-toi péter le fond, on s'en bat, ça part en sucette. Et tu le sais, comme quand Marcel t'as pas pour sucette. J'ai lu cette histoire à martel et dit putain, je suis sec. À boire, à boire, c'est à boire qu'il nous faut. Sors ton whisky rare, on bat ton pauvre et nouveau. François, si tu nous sors de l'eau, t'as la touffe, la couffe. Comme ta pique de fa dans la touffe. À boire, qu'on trinque après ce plan siphon. À boire pour mes pites et je le lâche ton griffon. T'en as boire et vois ce qu'ils font, sont-ils fous. Dans la rue, c'est le typhon, on les croise pas, c'est strip qu'on vous. Et ainsi, fonce d'air. Sors Rica et glaçon, qu'on fête la mort secondaire. À boire, Claude, serre un verre à mon frère en grandit. Et c'est ce qu'on dit, pas qu'on picote, ce qu'on est maudit. Je crie à boire, car nous étouffons. Entre les flics, là, les grosses peines. Nos pieds ne toucheront bientôt plus le fond. À boire que cette chemise se transforme en torchon. Cette émission d'Arthur en ce que chie ce cochon. Serre-nous à boire au bouchon, ouais. Bouchon dans la louche, ouais. À louche, jusqu'à ce qu'on braille du à un souchon. À boire, boire, qu'on finisse la califouchon. À vomir sans finesse, j'arriverai comme un marais touchant. À boire pour ceux dont l'alcool est un sérieux penchant. À boire pour les clochards du canal, ce soir il fait pas chaud. Les temps changent, vite le fil de la vie est tranchant. Vas-y branche, la machine à pression, qu'on se mette la tronche, hein. Branche là ta putain de machine, là ça fait 4 heures qu'on est dans ton rat de merde. Même pas tu payes un verre. Non mais là on peut sortir, y'en a marre. Vas-y fais pas le gros marre là, lâche la merde on dit là. M'en bat les couilles. Vas-y. Paye ton pichet de ponche. C'est la zermine, on se la met la cartouche. Là on se fait chier comme c'est pas permis. À boire vermine, mais ça sur le compte de Thierry l'ermite. Vas-y termine, mets tes fonds de bouteille dans la marmite, gars. À boire que ce soir on m'a dit que. On m'a dit que t'aimerais bien goûter un maïtique. Non putain de merde, je serais trompé de Monique. Sinon tu niques, non. Je picole, c'est logique, hein. Pas le neuf pour ma clique. Oublie que les frères tombent pour trajectoire oblique. Pas le neuf, ce soir c'est qu'on m'a été ligue. Drogue et ligue, classique, ouais, tout sauf ménélique. À boire bon en bien, on se casse à ça. Viens, choisis votre carom ou pas, sinon de kachasa. Ne crois pas chasser, me voilà, j'arrache à ça. Mais y'en a pas assez, à boire pour Toulouse, Paris et Kinshasa. À boire pour les chasseurs qui se tirent entre eux. À boire pour l'assassin de Le Pen qui le perd sur le ventre. À boire pour ceux qui sortent et entrent. À boire pour tous les autres qui feront tout pour passer les centres. Et à boire, je lève mon verre à ceux qui sont pris. Pour toutes les centrales, maisons d'arrêt, pour toutes les empris. Je lève mon verre pour tous les frérots qui ont compris. Ta liberté ne se pisse pas, gars, et ça peut avoir ton prix. Ouais, à boire, merde. À boire dans un monde prêt à péter. Ouais. Chaque instant qui passe, on peut le fêter. C'est tout.